Entraînement au DELF A2, compréhension de l'oral, les clés de la compréhension orale. L'évaluation. Exercice 1, première partie de l'enregistrement. Vous êtes bien sur la messagerie téléphonique de Loumalin, votre centre d'information routier du Grand Sud. Si vous souhaitez obtenir des informations sur l'état des routes, tapez 1. Pour être informé de la météo, tapez 2. Pour connaître la fréquence de Radio Loumalin sur votre trajet, tapez 3. Pour réécouter ce message, tapez 4. Pour passer un message urgent sur nos fréquences radio, tapez 5. Merci.